Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Et à chaque année avec Télé-Québec, on a une belle collaboration pour recevoir des gens qu'on peut voir dans cette télé différente. On a quand même beaucoup de ressemblances entre CKRL et Télé-Québec. Et cette année, on reçoit Noémie Mercier qui participe à l'émission Dans les médias. Bonjour Noémie. Bonjour Tania. Première année de Dans les médias qui est terminée. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez fait votre bilan, débriefing? On a fait notre rap party, en tout cas. On n'a pas fait notre bilan encore, mais on est de façon informelle, on est super contents. Ça a été une super belle expérience. On ne sait pas encore si on revient la saison prochaine. On l'espère beaucoup, beaucoup. On devrait savoir ça à la fin du mois. Mais nous, on est super satisfaits de l'expérience, puis on trouve qu'on répond vraiment à un besoin au moment où le rôle des médias est tellement remis en question. On est d'avis humblement qu'on joue un rôle super important pour aider à prendre du recul, à donner aux gens des clés pour décoder ce qu'ils voient autour d'eux dans les médias. Oui. Bien, là, c'est absolument pas méchant comme question, mais je me la posais souvent parce que j'aime beaucoup l'émission Dans les médias, mais je me dis, est-ce que ça intéresse le grand public? Moi, j'en fais partie, donc c'est normal que c'est dans mon champ d'intérêt, mais je pense que, en tout cas sur Twitter ou sur les médias sociaux, ça intéresse le grand public aussi d'entendre parler de ça. Oui, les données qu'on a, les réactions qu'on a nous disent que oui, ça intéresse le grand public, mais vous faites bien de soulever cette question-là parce qu'on se l'est posé, nous aussi, beaucoup. On travaille tous dans les médias, on est tous des boulimiques d'informations. Donc, c'est toujours l'équilibre entre intéresser les gens qui trippent déjà, puis intéresser des gens qui s'y connaissent moins. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des gens qui suivent très peu l'information, qui suivent très peu les réseaux sociaux. Bien, ils viennent nous voir une fois par semaine, puis ont l'impression qu'on leur transmet un condensé sans qu'il y ait besoin de passer leur semaine sur Facebook puis Twitter. Nous, on fait un petit peu ça pour eux. C'est une espèce de condensé de ce qu'ils pourraient voir s'ils les suivaient. En même temps, nous, moi comme journaliste, c'est sûr que j'aimerais ça que l'émission serve aussi à inspirer les gens à s'intéresser davantage à l'information puis à diversifier leurs sources d'information. Oui. Peut-être qu'en nous écoutant, ils se disent, ce dont ils m'ont parlé à l'émission aujourd'hui, j'avais pas vu passer ça. Peut-être que je gagnerais à diversifier mes sources d'information. Donc, on cherche pas à remplacer les autres médias. On aimerait au contraire inciter les gens à s'y intéresser davantage. Parce que l'émission ne fait pas non plus un résumé de l'actualité de la semaine. On prend seulement des moments qui ont été marquants d'un point de vue de l'image. L'image, c'est notre filtre, c'est notre prétexte, si on veut, pour parler d'événements d'actualité. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas un résumé. Puis, vu qu'on est une émission hebdomadaire, on n'est pas un show de nouvelles non plus. On n'a pas une salle de nouvelles. On ne peut pas suivre les événements chauds de l'actualité. Donc, on essaie de prendre un pas de côté ou de recul. Donc, par exemple, dans une de nos dernières émissions, on avait parlé de l'image des médecins. Il y a beaucoup, beaucoup de travail journalistique hyper intéressant qui s'est fait sur la rémunération des médecins. Ça a causé plein de débats. Bien, nous, on est arrivé quelques semaines après que ça ait occupé l'espace médiatique pour dire, qu'est-ce que ça nous dit sur l'image des médias, la représentation des médias, comment les médecins se représentent eux-mêmes à travers leur présidente de la Fédération des médecins spécialistes. Donc, on essaie toujours d'avoir un angle un petit peu décalé pour aider les gens à prendre du recul sur l'actualité brûlante, puis comme je disais tout à l'heure, leur donner des clés pour après ça, quand ils consomment des médias, quand ils consomment de l'information, les aider à pas nécessairement acheter tout ce qu'on veut leur transmettre, puis aussi comprendre les coulisses de comment on la produit, cette information-là, puis comment ça peut influencer le type d'information qu'on leur transmet. Mais surtout que ça va extrêmement vite. Ah oui. Aujourd'hui, c'est incroyable. Est-ce que vous-même qui êtes penché à toutes les semaines sur l'actualité, parce qu'il va falloir en parler dans l'émission du jeudi suivant, est-ce que des fois on est dépassé malgré tout, si on a, je sais pas, juste une journée fériée ou une journée où on n'a pas eu le temps d'ouvrir son ordinateur? Ça arrive pas. Il y en a pas des journées comme ça. En fait, c'est intéressant ce que vous soulevez, puis on y fait face chaque semaine. Nous, on tourne le mercredi soir et l'émission est diffusée le jeudi soir. Donc, on n'a quand même pas un immense délai entre l'enregistrement et la diffusion, mais ça nous arrive parfois de faire des changements vraiment à la dernière minute, même au cours de la répétition qu'on fait dans l'heure précédant le tournage. Mais donc, ça nous arrive de faire des changements très dernière minute pour nous adapter le plus possible à une actualité brûlante. Lorsqu'il y a eu la fusillade à Parkland, à l'école en Floride, on était un mercredi, donc on s'apprêtait à commencer notre tournage et on a vu ça passer, puis on dit on peut pas passer à côté de ça parce que ça va être l'événement dont tout le monde va parler. Puis on le voit, ça crée des vagues et ça continue d'avoir énormément de répercussions. Donc ça, c'est un bon exemple. On n'a pas une flexibilité immense. Comme je dis, on n'est pas une salle de nouvelles, mais en même temps, on essaie de rester dans le coup, puis de parler de ce dont les gens viennent de parler ou vont parler. On veut s'insérer dans la conversation publique que les gens ont sur l'information. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive quelque chose du genre, on jette tout ce qu'on avait puis on recommence? Ben dans ce cas-là, nous, dans l'émission, il y a un segment qu'on appelle les images de la semaine. Donc, c'est un premier tour de table qui ouvre l'émission où chacun des collaborateurs vient parler d'une image qu'il a marquée dans la semaine. Et puis ça c'est un segment de l'émission où on est plus flexible pour s'adapter parce que c'est plus facile à s'adapter avec ce segment-là. Donc, dans le cas de Parkland, par exemple, moi, c'est moi qui avais laissé tomber l'image de la semaine que j'avais choisie pour la remplacer par une image de Parkland. Donc, c'est une des façons dont on peut s'adapter, mais ça demande parfois quelques acrobaties. Oui, pour s'ajuster, pour ne pas avoir l'air décalé non plus complètement avec l'actualité, finalement. Exactement. Qu'on regarde. C'est une émission où vous recevez aussi des invités. Oui. Et moi, il y en a deux qui m'ont marqué parce que c'est des animateurs de la Radio de Québec. OK. Oui. Entre autres, oui. Myriam Segal et Éric Duhaime. Ben oui, tout à fait. Et qui sont peut-être des personnages qui avaient un discours différent ou un regard différent aussi. Quand on se prépare à recevoir quelqu'un qui, on sait, fait quelque chose d'autre que nous, disons. Quoi, oui. Je ne sais pas comment trop le dire parce que je ne veux pas dire qu'ils font l'inverse, qu'ils font un travail différemment. Comment on se prépare à cette discussion qui va être menée avec quelqu'un qui n'a pas nécessairement le même regard que nous sur les événements? Bien, nous, ce qu'on voulait faire avec ces deux invités, autant Myriam Segal qui est venue en début de saison que Éric Duhaime qui est venu en fin de saison, c'est vraiment c'est comprendre pour vrai. C'est-à-dire qu'on a une réelle curiosité pour comment ces gens-là voient leur métier. Ils ont un rôle, ils sont plus beaucoup plus connus dans la région de Québec que dans la région de Montréal. N'empêche que ce sont des figures médiatiques d'avant-plan, peu importe. Et ils participent à à cette tendance dans les médias où on laisse beaucoup, beaucoup de place à l'opinion. Et ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, qui préoccupe beaucoup notre animatrice, Marie-Louise Arsenault. Donc, on a une réelle curiosité de savoir comment ces gens-là perçoivent ce qu'ils font, quel impact ils croient avoir sur le public, quel impact ils veulent avoir, comment eux se préparent, comment ils perçoivent la responsabilité qu'ils ont en tant que personne d'information, en tant que personnalité médiatique. Je ne suis pas sûre qu'ils considèrent qu'ils font vraiment de l'information. Mais donc, c'est comme ça, c'est de dire, ben, laissons la place à ces gens-là pour venir s'exprimer, s'expliquer, puis soyons à l'écoute de ce qu'ils ont à dire. C'est sûr que on partage pas forcément les mêmes sensibilités. Et puis, comme vous dites, on pratique pas le métier de la même façon non plus. Non, c'est ça, c'est deux choses différentes. Mais même à l'intérieur de l'équipe, hein, y a quand même des variations intéressantes entre nous. Moi, je suis dans ma job de jour, mon emploi principal, je suis journaliste au magazine L'Actualité, donc je suis reporter, by the book, La tradition du journalisme écrit. Dans la tradition du journalisme écrit, avec des règles de déontologie et une éthique journalistique à laquelle je tiens énormément et que je ne compromettrais pour rien au monde. Donc, par rapport à d'autres personnes dans l'équipe qui font le métier différemment, c'est ça. Donc, ça prend de tout pour faire un monde. Les médias, c'est pas juste des journalistes qui sont très, très à cheval sur l'éthique journalistique comme je peux l'être, c'est aussi des personnes comme Myriam Segal, comme Éric Duhaime ou comme plusieurs autres qui font davantage. On a reçu Isabelle Maréchal aussi, qui fait de la radio 98.5 à Montréal, mais donc qui, elle aussi, qui a une espèce de rôle hybride entre information, opinion, ligne ouverte et tout ça. Donc, comment ces gens-là perçoivent leur rôle, c'est super intéressant à avoir comme discussion. Puis comme émission sur les médias, on ne peut pas se priver de recevoir ces gens-là. Puis ça fait des discussions vraiment intéressantes, je crois. Mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, Tania? Moi, j'ai trouvé ça un peu tirage de couverte. OK. Oui, voilà, j'ai bien aimé... OK, je vais dire ce que je pense. Allez-y. j'ai bien aimé quand Myriam Segal a dit « vous », en parlant comme de la gauche un peu contre la droite, ou Montréal contre Québec, ou peu importe. Mais j'avais l'impression qu'elle a brisé un peu quelque chose. Et là, toute l'équipe a réagi en disant « non, il n'y a pas de vous ou de nous », mais moi, je sentais qu'il y avait quand même une certaine... un côté et l'autre côté qui s'affrontaient. Dans ce moment-là, et on dirait que ça a comme un peu gelé tout le monde à ce moment-là. Mais j'avais bien aimé, par exemple. D'un point de vue télé, c'était intéressant à voir. Oui, ça fait un bon moment de télé, c'est clair. C'est clair. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'on se caricature mutuellement. Je pense que oui. Tu sais, Éric Duhaime est... on avait rapporté ça dans l'émission quand lui a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il venait à l'émission. Sur ses réseaux sociaux, il y a certains de ses auditeurs qui ont dit « ben pourquoi tu t'en vas à cette émission-là de ticounes de gauche? » Puis on était comme « c'est nous autres, ça, les ticounes de gauche? » Tu sais, c'est super caricatural, puis j'aurais plusieurs nuances à apporter à cette caractérisation. Pas nécessairement ticoune. Non, puis on n'est pas... on est beaucoup moins identifié à une idéologie que certaines personnes plus à droite veulent bien... Qu'on peut vous apposer l'étiquette. Oui, c'est là, ça. Ouais. Et inversement, tu sais, je pense qu'il y a plein d'observateurs de la scène médiatique qui peuvent aussi caricaturer des gens comme Éric Duhaime et Myriam Segal. Ouais. Donc, on gagne à laisser tomber ces caricatures-là, puis à vraiment entendre ce que les gens ont à dire. Puis c'est ça qu'on avait essayé de faire dans cette émission-là. Mais les médias sociaux prennent une ampleur aussi très, très importante, entre autres, pour ce qui est dans les médias avec Twitter, on peut poursuivre la conversation, comme le dit Marie-Louise Arsenault. Mais il y a ça aussi maintenant qu'on a, par exemple, Éric Duhaime, bon, les gens qui disaient quelque chose, mais probablement que de votre côté, il y a des gens aussi qui ont dû se questionner pourquoi vous les recevez. Ben, ils n'ont pas besoin d'avoir une tribune. Oui. Donc, il y a ça aussi, ça crée carrément deux clans. Et quand on se situe dans les médias, comment on fait pour essayer de dire au clan adverse, entre guillemets, non, on a aussi un peu raison, ou on est nuancé? Est-ce qu'elle existe encore, la nuance, premièrement? C'est vraiment dur de... Ben, la nuance, c'est super important. C'est au cœur du travail que je fais à l'actualité. Quand je fais des reportages de longue haleine, le but, c'est vraiment de transmettre une vision nuancée du monde qui n'est pas ni en noir ni en blanc, mais toutes les nuances de gris. Ce qui est dur, c'est que les gens nous perçoivent, consomment les médias à travers leur propre filtre aussi. Donc, ça, je l'ai vécu à tellement de reprises. Comme journaliste, on essaie le plus possible de décrire la réalité telle qu'on la perçoit de façon neutre. T'sais, l'objectivité, on pourra en reparler, donc c'est un vœu pieux, là, mais on vise l'objectivité, on vise la neutralité. Mais après ça, les gens vont nous percevoir à travers leur propre filtre. Donc, si je fais le portrait de quelqu'un, ce qui est une des choses que j'aime beaucoup faire, les gens qui n'aiment pas cette personne-là vont trouver dans le portrait matière à confirmer leur antipathie envers la personne. Les gens qui l'aiment vont trouver matière à confirmer leur croyance. Et ça, on est tous sensibles à ça, le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on prête attention et on se souvient davantage des informations qui confirment ce qu'on pensait déjà. Et on néglige les informations qui pourraient nous amener à changer d'avis. Donc, nous, comme journalistes, comment on fait? C'est très difficile de... Il ne faut pas avoir la prétention qu'on va faire changer d'avis les gens. Moi, mon but, très humblement, quand je fais des longs reportages, c'est que les gens, peut-être, voient une situation autrement. Tout simplement. D'apporter un éclairage. J'avais pas vu ça comme ça. Fin. C'est un but modeste, Mais déjà ça, c'est le début d'un germe de quelque chose. Un semer un peu d'empathie ouais. aussi pour les gens qu'on comprend mal, qu'on connaît pas ou qui sont différents de nous. C'est juste cet objectif-là, moi, si je l'atteins, je suis satisfaite. Mais c'est ça, défaire les clans, C'est une grande mission. C'est une grande mission. Ouais. C'est une grande mission. Est-ce oui. que c'est plus difficile aujourd'hui de faire le métier de journaliste? qu'avant. ce qui est plus difficile, c'est l'extrême rapidité. Le cycle de l'information est beaucoup plus rapide qu'avant. Ouais. Donc, on le voit autant dans les médias, qui est une émission hebdomadaire, qu'au magazine L'Actualité, qui est un mensuel. L'actualité va tellement vite que quand on... Le cycle des nouvelles est si rapide que quand on prévoit notre couverture un peu plus longtemps d'avance, quand on veut aller justement plus en profondeur puis qu'on a besoin de plus de temps, ben on peut se retrouver plus dépassé que ce qui était le cas avant. Mais il y a plein de choses qui sont super positives. On parlait des réseaux sociaux. On a tendance à les diaboliser. En tout cas, dans certains segments de la population, on a tendance à les diaboliser. Mais, surtout ces temps-ci. Mais en fait, ça apporte plein de choses super positives. Un contact direct avec nos lecteurs ou nos auditeurs qu'on n'avait pas avant. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous écrivent pour tu sais, vraiment, qui nous écrivent des bêtises. Là. Je veux dire, moi, ça m'est arrivé. Là. Puis ça, des insultes. Ouais. Des insultes qui nous traitent d'imbéciles et d'idiotes et tout ce que vous voulez. Puis c'est pas plus grave que ça. Mais il y a aussi tout un dialogue super intéressant avec des gens qui nous ont lus qui nous ont regardés. Puis chez qui on a eu un impact. Donc, ça, c'est super constructif. Les gens nous fournissent des informations. Bon, je pourrais continuer, mais il y a vraiment les deux. L'accélération du cycle de nouvelles, c'est sûr que c'est une difficulté supplémentaire. Ouais. L'exigence aussi de se démultiplier, donc de faire de l'écrit, de l'audio, de la vidéo, des réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment devenir... Multiplateforme et homme et femme orchestre. Mais en même temps, ce contact direct avec le public, notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux, moi, c'est quelque chose que je trouve très constructif et positif. Mais surtout quand on fait un portrait, j'imagine que c'est parce que l'humain est au cœur de ce qu'on veut mettre de l'avant. Donc, de pouvoir avoir le contact avec l'humain derrière le lecteur, c'est aussi un peu privilégié. Donc, de savoir qu'on touche directement les gens. Oui. Mais comme je disais tout à l'heure, tu sais, le but modeste de que les gens nous lisent ou nous regardent puis qu'on ait eu un petit impact, ben on peut le mesurer beaucoup plus directement par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et l'image des journalistes, on a l'impression qu'elle est moins bonne qu'avant, mais il y a des études, des sondages qui disent que, du moins au Québec, la crédibilité des journalistes est encore très, très bonne. Quel est le son de cloche sur le terrain, finalement? C'est vraiment intéressant, ça, parce que... Sur le terrain, c'est pour ça que c'est un métier qui est formidable et exceptionnel. C'est le privilège de pouvoir dire « Bonjour, je suis journaliste pour tel média et j'ai des questions. Est-ce que vous voudriez prendre une heure ou deux de votre temps juste parce que j'ai des questions à vous poser? » Ça, c'est assez formidable. Puis, ça existe encore beaucoup, ce lien-là. Puis, ça repose sur un lien de confiance avec la population, de dire à quelqu'un « ben, je voudrais... c'est ça, je voudrais vous poser toutes les questions qui me posent par la tête sur votre métier, puis prendre de votre temps de travail pour ça. » Puis les gens sont super ouverts, puis super collaboratifs. C'est très, très rare que les gens refusent de nous accorder des entrevues. Ça arrive presque jamais. Dans ce sens-là, sur le terrain, ce lien de confiance-là n'est pas abîmé. En revanche, pour revenir aux réseaux sociaux, y a un discours... sur les réseaux sociaux, de très grande méfiance envers l'information et les journalistes qui me déconcerte beaucoup. Il y a beaucoup d'accusations d'idéologie, de partisanerie, autant d'un côté que de l'autre. Ouais. Et ça, c'est très troublant. On dirait qu'il y a une partie de la population qui a le sentiment qu'on fait ce travail-là pour faire avancer des intérêts partisans ou certaines idéologies, alors que ça fait peut-être très utopique, mais notre but premier, c'est de faire avancer la vérité puis de servir l'intérêt public. C'est vraiment ça. Oui. C'est ça qui fait qu'on se lève le matin, puis c'est encore ça qui est au cœur de notre mission. Donc, est-ce que nous, comme journalistes, on a du travail à faire pour mieux expliquer notre travail, mieux expliquer comment on le fait, c'est quoi nos objectifs, c'est quoi nos lignes de conduite. Peut-être qu'on fait pas assez un bon travail pour expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait et comment on le fait, parce que je la comprends pas toujours, cette méfiance-là. Cette méfiance-là. Ouais. Mm-hmm. Mais l'émission Dans les médias sert un peu à ça. Oui, c'est un des objectifs, vraiment. Parce qu'on souligne les bons coups, mais des mauvais coups aussi de certains médias. Là. Oui. On ne fait pas juste se lancer des fleurs. Non, on ne fait pas juste se lancer des fleurs. On n'est pas là pour. On n'est pas une émission de critique des médias, mais clairement, quand il y a des faux pas ou des grosses bourdes, on essaie de ne pas se gêner pour le faire. Puis comme au-delà de critiquer ou de dire de lancer des fleurs ou de lancer ou de critiquer, c'est de décortiquer, dire ce qu'il y a derrière. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette nouvelle-là? Donc, j'espère qu'on reviendra pour une deuxième saison parce qu'on a plein d'idées de façon dont on pourrait continuer à faire ça encore plus finement et de façon encore plus intéressante. Ben en tout cas, c'est une émission que vous n'avez jamais regardée public, moi je vous le dis. Oui, ah voilà, on a des pouces en l'air. Toutes les émissions sont en ligne sur le site de Télé-Québec, on peut toutes les regarder. En plus, ouais. Oui. Mais ça nous replonge en plus dans l'actualité, si jamais on a manqué des événements. C'est ça. Ben, on peut se remettre dans ce qui s'est passé. Noémie Mercier, on reste ensemble pour encore une autre demi-heure, parce que à 18h, je veux le dire, c'est le 6 à 8 gourmand. Alors, on est en train d'installer, là, il y a des bouchées de champignons, toutes sortes de choses, des pâtisseries qui se promènent. On a du nougat aussi. Donc, il reste encore quelques places. Vous pouvez venir nous joindre dans la prochaine demi-heure au 405 3e Avenue. Et c'est au profit de CKRL. Donc, c'est 20$. Et vous avez fait votre don pour notre événement de financement parce qu'on est en plein Radioton. Et d'ailleurs, vous aurez toutes sortes de détails pendant la pause sur nos 95 lots dans Camp. Je vous dis tout de suite le numéro de téléphone pour miser, 418-640-2575, et vous pouvez faire vos dons également par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca. Mais je vous le dis, ça se passe ici, là. Venez nous voir, 405 3e Avenue. Donc, on s'arrête pour la pause et on est de retour dans les prochaines minutes. La Fabrique culturelle et Télé-Québec sont fiers de soutenir CKRL et ses artisans en vous présentant cette journée du Radiothon. Télé-Québec innove et ose constamment en proposant de nouveaux talents, de nouvelles formes audiovisuelles, de nouvelles stratégies de diffusion et une contre-programmation intelligente comme des documentaires et des séries documentaires en heure de grande écoute. À découvrir sur La Fabrique culturelle. L'important pour moi, c'est de me rendre à 100 ans avec encore le goût de travailler. Marie-Hélène Vaugeois s'entretient avec Simone Bussière, presque centenaire et lectrice assidue. Moi, quand je suis devenue libraire, ben, régulièrement, je la voyais parce que c'était une cliente qui a continué à venir tout le temps. La littérature a tout le temps été importante pour elle. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. La Fabrique culturelle et Télé-Québec, qui sont des partenaires du Radiothon de CKRL depuis des années et qui nous permettent, entre autres, d'avoir un lot à l'Ancan. Il y a un lot Télé-Québec avec, quoi, je pense qu'il y a une boîte à lunch, la pâte patrouille. Il y a le livre « En as-tu vraiment besoin? » Il y a un parapluie Télé-Québec. Bref, il y a toutes sortes de choses. Allez voir sur notre site. Il me semble qu'il y a une doudou cidée cadeau. Ouais, il y a ça. Dans ce lot. Allez voir sur notre site Internet, ils sont tous là, les 95, ckrl.qc.ca, et vous pouvez miser par téléphone. Hein, on a envie de vous parler, 640-2575. Et grâce à Télé-Québec, on peut avoir cette conversation sur les médias avec la journaliste Noémie Mercier qui est avec nous, toujours. Toujours là. Merci. On a parlé de l'émission Dans les médias, mais on disait la job de jour, c'est journaliste à l'actualité, ce magazine. Et je sais qu'il y a des bonnes différences qui sont assez évidentes, genre un magazine, c'est dans un papier ou sur Internet, et la télé, c'est de la télé. Mais qu'est-ce que chacun des médias apporte comme possibilité? C'est vraiment une bonne question. Puis je fais aussi de la radio, donc j'ai vraiment un regard sur les trois différentes plateformes. C'est beaucoup dans la... Tout ce qui est télé, l'impact est immédiat. Tu sais, l'impact sur la personne qui te regarde est immédiat. C'est puissant. C'est là, puissant. La télé, l'image, ouais. C'est vraiment puissant. C'est pas pour rien qu'on consacre une émission à les analyser, n'est-ce pas? L'écrit, ça permet beaucoup plus de profondeur et de précision. Puis pour moi, ça a été une école. Comment je dirais? Ça a été une école. C'est-à-dire que l'écrit ne tolère pas l'imprécision, ne tolère pas la superficialité. Donc, quand on écrit un papier, il faut être extrêmement rigoureux parce que ça paraît tout de suite dans un texte écrit quand c'est un petit peu à peu près. Ouais. Quand on est à la télé, parce qu'on a moins de temps de parole, on va beaucoup plus à l'essentiel. On n'a pas besoin d'avoir, comment je dirais ça, on a moins besoin d'avoir fait des semaines de recherche, disons, ouais, pour se prononcer sur un sujet. Mais les trois, puis la radio, c'est un petit peu, je dirais, c'est un peu entre les deux, avec la qualité supplémentaire de l'intimité. Vous le savez, Tania, vous animez à la radio. Oui. L'intimité qu'on arrive à créer avec les gens, elle est très, très, très spéciale à la radio. Je dirais plus grande qu'à la télé et à l'écrit. Donc, je ne sais pas si vous partagez mes observations sur le médium. Mais je suis d'accord. je suis d'accord avec tout ça. Mais moi, je ne suis pas journaliste écrit, donc j'écris peu. Mais la télé, par exemple, une fois que c'est enregistré, là, on peut pas revenir. La radio, quand c'est dit, déjà là, la seconde avant, il est trop tard, c'est fait. Mais l'écrit, on peut décider de tout effacer, de recommencer, de changer un mot, un point, une virgule. Oui. À quel moment on s'arrête en se disant, bon, là, j'ai fini, mon texte est très bon, et on le publie. Vous mettez tellement le doigt sur l'essentiel de mes préoccupations quotidiennes. Vous avez tellement raison. C'est deux énergies complètement différentes. C'est vrai que à la télé comme à la radio, c'est une question de performance et dans le moment présent. Donc, t'as beau t'être préparé pendant des heures et des heures, l'important, c'est le contenu que tu livres au moment précis où tu dois le livrer. Et si c'est pas bon, mais il est trop tard. Et si c'est pas bon, il est trop tard. Des fois, c'est pas ta meilleure, mais coudonc, c'est terminé, faut tourner la page, faut passer à autre chose, alors qu'à l'écrit, effectivement. Puis, j'ai le privilège à l'actualité d'écrire des longs reportages, donc je peux mettre des jours, voire des semaines à écrire juste dans la rédaction d'un reportage. Donc, oui, il y a du fignolage. Moi, j'adore ce côté-là. L'écriture, pour moi, c'est super important. Donc, je fais partie des fignoleux de la business. Quand est-ce qu'on s'arrête? Ben, on s'arrête quand on est rendu au deadline. C'est oui, tout hein? simplement ça. Quand on s'apprête à dépasser notre tombée, ben, on s'arrête. C'est là. On dit, ouais, c'est bon, c'est terminé. Sûr. Exactement. Et on envoie sous presse. Et on envoie sous presse. Mais en fait, on envoie d'abord au patron qui relise. Ensuite, ça passe à la révision. En magazine, il y a de très, très longues étapes préalables à la publication. Mais ouais, c'est ça. On prendrait toujours une journée de plus, par exemple. Hein? Sûrement. Hein? Oui. Toujours une de plus pour écrire. Mais j'entendais le mot privilège d'écrire. Oui. Mais je dirais peut-être même un luxe de pouvoir faire de l'information sur un si long format aujourd'hui avec les contenus qui sont toujours courts. Ça nous prendrait toujours une vidéo de 45 secondes pour nous résumer tout ce qui s'est passé dans le monde. Comment on fait pour, je sais pas, naviguer là-dedans ou juste se dire, ben, je peux me le permettre. Est-ce qu'on a l'impression que c'est un luxe ou Absolument. Absolument. Moi, je considère que j'ai une des plus belles jobs en journalisme au Québec, je dirais même au Canada. Le magazine L'Actualité, c'est le seul magazine d'affaires publiques au Québec. C'est un des seuls qui publie non seulement des longs reportages, mais des très longs reportages. Et c'est vraiment un luxe qui est de plus en plus rare. Pas juste d'écrire long. L'idée, c'est pas d'écrire long juste pour écrire long puis remplir du papier, mais c'est de vraiment pouvoir couvrir un sujet en profondeur. Oui. Et un mot qui se perd, hein, ces temps-ci. C'est un mot qui se perd. Puis de pouvoir, c'est ça, passer du temps, c'est vraiment apprendre à connaître son sujet, puis après ça, faire de notre mieux pour rendre compte de toutes ces nuances-là. Puis, on est persuadé qu'il y a vraiment un public pour ça, qu'il y a une demande pour ça, et aussi pour du contenu comme ça, mais qui traite de notre réalité québécoise. Il y a plein de super bons magazines américains qui font du long format. Français aussi. Pour rester dans le francophone, par exemple. Ouais. Voilà. Excusez-moi. Donc, il y en a plein, mais c'est beaucoup plus rare des approches comme ça qui traitent de notre réalité québécoise à nous. Donc, moi, je suis super fière de faire partie de ce magazine-là, puis effectivement, je trouve que je peux sortir tous les synonymes privilège, luxe, pour exprimer ça là, vraiment. Oui. Mais c'est moins un contenu qui se lit par exemple sur le téléphone. Mais c'est ça. C'est que ça prend une posture particulière, effectivement. Tu sais, moi, quand je lis un magazine, j'aime ça m'enrouler dans une couverture puis prendre mon temps. C'est ça qu'on essaie de créer aussi avec un magazine. C'est pas tant une information qu'on consomme pour strictement s'informer. Bon, qu'est-ce qui vient d'arriver? Je veux absolument être à jour. Mais on veut faire vivre quelque chose. On veut faire ressentir l'information. Et on essaie de s'adresser pas seulement à l'intellect, mais vraiment au cœur, à l'âme. Enfin, c'est ça l'ambition. On réussit peut-être pas toujours, mais en magazine, c'est vraiment ça l'ambition. Donc, mais c'est vrai que ça prend une posture particulière pour recevoir ce contenu-là. Et c'est de plus en plus difficile, je pense, de se créer des espaces dans nos vies pour recevoir ce contenu-là, mais on persiste à croire que c'est essentiel. Dans une diète d'information, oui. Tu sais, nous, c'est un de nos messages qu'on essaie de sur lesquels on essaie de mettre l'accent à l'émission dans les médias, c'est de diversifier ses sources d'informations. Un régime équilibré Un régime de équilibré médias. Du long, du court, de l'écrit, de l'audio, de la vidéo. La télé, bon, ouais. C'est ça. Parce que ça, c'est comme ça que on sort de nos bulles idéologiques. C'est comme ça qu'on diversifie le type d'opinion aussi auquel on est exposé. Donc pour nous, c'est super super important. Noémie Mercier, quand on fait un portrait, comment ça se passe? On passe beaucoup de temps avec une personne. Est-ce qu'on doit se rapprocher aussi de son entourage? À quel moment on sait qu'on a assez d'informations sur la personne pour que notre portrait soit fidèle à ce qu'il est ou ce qu'elle est dans sa vie, qui a probablement de nombreuses années? Une super bonne question. C'est vraiment intéressant parce que c'est une question très délicate. Je ne sais même pas par quel bout la prendre. Il y a des portraits pour lesquels on peut passer effectivement beaucoup de temps. Et là, éventuellement, on a l'impression, bon, je pense que j'ai saisi la personne parce que je l'ai vue dans assez de contextes différents pour avoir le sentiment d'avoir mis le doigt sur quelque chose de vrai. Il y a certains portraits que j'ai fait, par exemple, j'ai fait un portrait de Pauline Marois en 2012. C'était juste avant la campagne électorale qui allait faire d'elle la première femme première ministre du Québec. Mais donc, je l'avais suivie pendant quelques semaines. À ce moment-là, c'était en plein conflit étudiant aussi. Ça brassait pas mal à cette époque-là. C'est une bonne période pour suivre quelqu'un. N'est-ce pas? Oui. Et puis, j'avais quand même passé beaucoup de temps avec elle et j'ai eu le sentiment d'avoir saisi quelque chose. Évidemment, ça serait très, très, très présomptueux de dire « j'ai compris Pauline Marois parce que j'ai passé quelques semaines à la suivre ». Mais je pense qu'on... Je pense qu'à ce moment-là, il y a d'autres moments aussi dans d'autres portraits que j'ai faits. Il me semble avoir réussi à saisir une essence de la personne, un volet de cette personne-là. Mais effectivement, moi, je trouve que quand on a trop l'impression d'avoir compris quelqu'un, c'est le signe qu'on les a pas... Qu'on les a pas compris, oui. Ouais. Puis c'est le signe que peut-être qu'on les caricature. Si c'est trop facile, ouais, de réduire quelqu'un à une image ou une métaphore ou deux, trois caractéristiques, là, c'est souvent le signe qu'on les comprend de façon superficielle parce que les gens sont complexes, les gens sont pleins de contradictions et de paradoxes. Et ils peuvent laisser paraître aussi ce qu'ils veulent. Absolument. S'ils ont conscience qu'ils se préparent un portrait sur eux. Oui, et vous avez tout à fait raison. Ça prend un certain temps à dépasser cette façade-là puis à dépasser cette cassette-là. Ça prend un certain temps aussi à dépasser nos propres préjugés des fois. T'sais, on a tous des préjugés, ouais, sur les gens. Donc, des fois, on avait certaines attentes par rapport au personnage public. Des fois, ça prend un petit peu de temps à briser nos propres a priori. Donc, c'est sûr qu'on parlait de luxe tout à l'heure. Ça, c'en est un autre. Mais de suivre Pauline Marois pendant plusieurs semaines. Oui, c'en était ouais, un. Là, je reprendrai privilège à mon tour comme, oui, comme oui, oui, terme. Oui. Indépendamment de l'opinion qu'on peut avoir de la personne ou de ses réalisations, comme journaliste, d'avoir pu la suivre de près, j'ai eu le sentiment de la comprendre un petit peu. C'est super présomptueux ce que je dis, mais ben non, j'ai eu ce sentiment-là. Pas, ouais. Puis elle a dit que même si le portrait était par moments relativement critique, elle a dit par la suite publiquement qu'elle n'aurait pas changé un iota dans le texte, puis qu'elle s'était reconnue. Donc c'est tout ce qu'on peut demander, mais ça, que les gens se reconnaissent. C'est un très beau compliment. Oui. Lorsqu'on a fait le portrait J'étais de quelqu'un. J'étais satisfaite. Et il y a aussi le côté reportage, où là, on est un peu dans le même travail, mais souvent un côté humain. Et je veux parler du reportage « Mourir seul », oui. qui est carrément un reportage coup de poing. Peut-être nous le résumer un peu, là. Je ne veux pas le faire sans oublier peut-être des choses importantes. Oui, ben c'est paru dans un numéro récent de l'actualité. Je faisais état de données qui montrent que le nombre de personnes qui meurent seules au Québec augmente d'année en année. Quand on dit « mourir seul », ben ça veut dire « mourir » sans qu'il y ait personne qui soit là pour s'occuper de nos funérailles, pour nous dire au revoir, pour nous rendre un dernier hommage. Et ces gens-là, dans le jargon administratif, on appelle ça des corps non réclamés. Donc, c'est juste le terme c'est pas humain, choquant. Hein? Ouais. On dirait qu'on parle d'un bagage oublié à l'aéroport plus que d'une personne, et pourtant, c'est comme ça qu'on les appelle. Les personnes donc voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? Ben en grande majorité, elles finissent dans des fosses communes. Donc il y a aucune cérémonie au moment de l'inhumation de leur corps ou de leurs cendres selon le cas. Il y a pas de plaque pour les identifier. On peut pas aller se recueillir sur leur tombe. Et moi ça me touchait énormément comme réalité. Donc j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Le Québec détient le record canadien pour le nombre de défunts non réclamés. C'est pas un beau record, ça. C'est pas un beau record. Non. On en a plus que l'Ontario, qui a pourtant une population plus importante que la nôtre, donc ils ont plus de morts. Donc, logiquement, il devrait y avoir plus de morts non réclamées. Ouais. Non, on a le record canadien. Donc, j'ai voulu comprendre pourquoi. Puis aussi, j'ai voulu retracer l'histoire de certains de ces morts-là. Donc, j'ai pu trouver des personnes qui étaient mortes seules, puis retracer leur fin de vie. Pourquoi ces personnes-là étaient morte seule. Oui. Voilà. Donc, c'était ça, mon reportage. C'est extrêmement humain, émotif aussi. Comment on fait pour mettre de côté notre émotion, ou est-ce qu'on doit, au contraire, mettre le côté émotif dans le reportage pour sentir ce qui s'est passé? On met pas de côté les émotions. Non. D'abord, pourquoi est-ce que ce sujet-là m'a intéressée? C'est parce que ça me touchait. On en parlait brièvement tout à l'heure d'objectivité. Il faut viser l'objectivité, mais en même temps, moi, je trouve que notre subjectivité, en tout cas pour ma part, c'est un de mes outils de travail les plus importants, parce que c'est ça qui détermine à quelle sorte de sujet je vais m'intéresser. Ouais. C'est ce qui va... C'est l'angle de traitement aussi. Oui, c'est ça qui va faire en sorte qu'un sujet va me toucher, voilà, que les gens vont se sentir écoutés et entendus quand ils vont être en entrevue avec moi. Donc, j'ai pas du tout mis de côté mes émotions. Au contraire, je voulais que les gens ressentent. J'ai essayé très, très fort de mettre dans le texte les émotions que moi, je ressentais, pour que les gens soient aussi touchés puis indignés par cette réalité-là que moi, je peux l'être. Puis je peux vous dire que j'ai pleuré à presque toutes mes entrevues pour ce reportage-là. Tu sais, j'ai fait des entrevues avec des gens dans des cimetières, des maisons funéraires, des gens qui viennent en aide aux personnes âgées, aux personnes âgées seules. Je sortais toujours de là les larmes aux yeux. Donc, c'est important pour moi que ça soit dans le texte aussi. Oui. Que les larmes se sentent. Oui, que les larmes se sentent. Parce que, tu sais, moi, ça m'indigne, cette situation-là. Non seulement qu'il y a un grand nombre de personnes qui meurent seules, mais aussi qu'au Québec, l'État dépense très, très peu d'argent pour assurer un dernier repos aux personnes seules. Si on se compare aux autres provinces, en Ontario, par exemple, l'État va verser 4 fois plus que nous, que le Québec, pour s'occuper du dernier repos des personnes seules. Donc, ça veut dire qu'en Ontario, ils vont pouvoir avoir une fosse individuelle, ils vont pouvoir avoir une petite plaque, des fois, ils vont pouvoir avoir une petite cérémonie, les personnes seules, même s'ils n'ont aucune famille qui peut s'en occuper. Au Québec, Le gouvernement verse 600 $ par corps non réclamé. Donc, avec 600 $ les maisons funéraires ne couvrent même pas leurs frais. Ils sont obligés de s'en occuper, mais c'est ce qui fait qu'ils font une crémation. Puis après ça, ben, ils les mettent dans... T'sais, ils enterrent une centaine à la fois dans des grosses boîtes en bois. Oh. Et dans, si vous allez dans le cimetière, celui de Montréal où je suis allée, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien. C'est comme un immense terrain, une immense pelouse, et il n'y a pas de plaque. C'est comme s'il n'y avait personne. Mais en fait, il y a mille personnes en dessous là, qui sont enterrées là. Donc, moi, ça m'indigne. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Donc, pourquoi mettre de l'émotion dans le texte? Ben, pour que les gens lisent et soient indignés à leur tour. Voilà. Et ça doit être un sujet qui est quand même difficile à... On entend des gens. Ça doit être un sujet qui est difficile à laisser de côté. Je veux dire, quand on rentre à la maison et qu'après, ben, on essaie de souper et qu'on essaie de ne pas penser au travail, ça doit être difficile quand on est plongé dans un sujet comme ça. Oui. Faut décrocher, quand même. Je décroche pas beaucoup de mon travail. Faut que bon. Je vous l'avoue. La recherche d'équilibre est un objectif constant pour moi. Le régime équilibré, là, faut le faire aussi entre le travail et la vie personnelle. C'est ça. Mais j'adore mon travail, j'adore ce que je fais, puis je choisis des sujets qui m'habitent et qui me passionnent. Sinon, je les ferais pas. Je suis pas capable de faire un sujet qui m'intéresse à moitié puis qui me passionne à moitié. Je fais mon travail de façon assez entière. Donc, le prix à payer, c'est qu'effectivement, des fois, je rêve beaucoup à mes articles. Ah, mais en tout cas, celui-là, ça devait être un peu des cauchemars. Oui. Ouais. Je vous dirais que la fois où je suis revenue de l'appartement où il y a des gens qui où le monsieur était décédé dans son appartement. Oui, voilà. Il faut envoyer des équipes de nettoyage pour... Quand des gens meurent seuls et qu'on les trouve quelques semaines après leur décès parce que personne ne s'est rendu compte qu'ils étaient décédés, ben physiquement, il arrive des choses au corps. Le corps se détériore et il faut nettoyer l'appartement. Donc, moi, je me suis rendue sur les lieux d'un appartement comme ça. La dépouille de la personne avait déjà été emmenée, mais j'ai accompagné sur les lieux une équipe de nettoyage spécialisée dans les nettoyages après décès. Ça laisse... des séquelles, disons, oui. L'odeur est, oui, en tout cas très bien décrite. En lisant, on veut pas, mais on sent. On ressent et on sent. C'est ça. Donc, ouais. Je veux pas rentrer dans les détails parce qu'on approche de l'heure du souper. Mais... 6 à 8 gourmands tout de suite après, tout le c'est monde. C'est ça, je veux pas gâcher votre dégustation. Mais c'est sûr que... Ça marque. Donc, l'odeur elle-même laisse des traces. Ah, ça m'avait vraiment habité pendant plusieurs jours. Après, j'avais des espèces de flashbacks odorants dans les jours qui ont suivi. C'est particulier. Mais quand on parle de la passion pour le travail, là, je pense qu'on peut absolument pas nier le contraire. Et Noémie, merci. En terminant, est-ce que un reportage sur le feu dont on peut glisser un mot, juste un petit sujet ou... Il y a plein d'idées sur le feu, mais pour le moment, je j'oserais pas vous les dévoiler. D'accord. Parce qu'elles ne sont pas... On est encore en train de statuer, mais il y aura certainement dans les prochains mois un autre reportage de longue haleine sur un enjeu de société humain, puis j'essaierai de vous faire pleurer encore à nouveau en lisant mes articles. Mais ce sera assurément à la lecture, donc on va surveiller le prochain reportage dans l'actualité. Sinon, pour ce qui est dans les médias, ben, on espère une saison 2. On aimerait vraiment ça. Sinon, toutes les émissions sont en rattrapage. Exactement, donc sur le site de Télé-Québec, toutes les émissions depuis le début de la saison sont disponibles, donc... par une belle journée de printemps enneigé. Si vous n'êtes pas sur les pistes de ski, ce serait une bonne façon d'occuper votre dimanche. Oui, demain. On reprend ça, absolument. Ça, et miser sur nos lots dans le camp, écouter le Radioton. Un épisode dans les médias, une émission du Radioton. Ça, on peut comme alterner comme absolument, ça. Absolument, absolument. Noémie, merci beaucoup. Merci de l'invitation, c'était super agréable. Ah ben toujours un plaisir de parler de médias avec des gens qui connaissent ça. Et si on fait le Radioton, c'est pour qu'une radio indépendante continue de faire ce travail. Alors, n'hésitez pas à passer tout de suite, courir sur la 3e Avenue. On est ici ce soir, il y a une soirée rockabilly d'ailleurs, avec des des groupes en prestation, groupes punk aussi. Ça va brasser, ça va danser, ça va être fort agréable. Alors, restez avec nous et on revient dans les prochaines minutes avec le 6 à 8 gourmands.